dime, ¿cuándo podré yo ver bebé? A ver si lo no verás, te vivo en la que como sé, pues ni llegué a te placer, y ni todo la traumé, así de esta con bebé, te le veo por ti hubre, así de esta con bebé, te le veo por ti hubre. Yeah. Bang, bang. wap chivon en le grip nan, li wap fèm le di, bambè le di, wèm le di. Non chéri, ouais, il faut mal, ouais, pas foutu, oui, ouais, mettre tiré, ni, ouais, voilà, j'aime ça, ouais, jusqu'il va arriver, ouais, tu peux même, ouais, tu peux même, ouais, tu peux même, ouais, tu peux même, ouais, tu peux même, ouais. Regardez nos chéris, ouais, ils vont mal, ouais, pas vous tout, oui, ouais, mais que tu me dis, ouais, on la gêne, ouais, jusqu'à bon vivier, ouais, tu peux mal, ouais, tu peux mal, ouais, tu peux mal. Arrivé fait du tout.